C'est l'heure d'Histoire vivante présentée comme chaque jour par Jean Leclerc. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la Première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Tous les regards du monde se porteront donc sur Genève ce matin. La guerre ou la paix, c'est aussi simple, c'est aussi grave que cela. Nous n'avons aucun grief ni ressentiment à l'égard du peuple irakien. Notre problème, c'est son gouvernement. Tout ce matin, l'exode a repris. Histoire vivante, cette semaine, les dessous de la guerre du Golfe. La guerre est à nouveau entrée dans la vie des Irakiens. Je pense qu'on ne peut plus pratiquement rien faire. Je crois qu'on a sous-estimé d'ailleurs la détermination depuis le début de Saddam Hussein. De la crise de Suez à la tempête du désert. 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. Les sirènes viennent de retentir dans tout Israël. Avec les marines, on a pris le Koweït en 24 heures. L'armée de terre a traversé le sud de l'Irak et l'a pris aussi en 24 heures. Aujourd'hui, deuxième épisode de la crise de Suez. Chapitre 1, une valse londonienne. 22 pays assistent donc à la conférence de Londres sur la question de Suez. Elle commence le 16 août. Le 17 au matin, ce sont les Américains qui attaquent et ils exposent, par l'intermédiaire de leur secrétaire d'État, John Foster Dulles, les grandes lignes de leur proposition. Une autorité internationale assurerait la gestion du canal, l'Égypte y serait représentée, mais l'organisme échapperait à la mainmise d'un seul pays, quel qu'il soit. Un arrangement avec l'Égypte lui assurerait des redevances équitables. Alors ça, c'est le 17 au matin. L'après-midi, après le café, c'est au tour des Soviétiques d'attaquer. Eux défendent l'Égypte à fond. Fin de journée, les Français attaquent le dossier, nient les intentions militaires de la France, avec un côté, vous savez, c'est pas le genre de la maison. Quelques jours plus tard, on a droit à une version plus atténuée de la question, avec la position indienne qui propose, elle, d'écarter tout recours à la force pour solutionner le problème et rechercher les bases d'une négociation solide avec l'Égypte. Finalement, 14 pays se joignent à la proposition américaine, tandis que l'URSS opte pour la résolution indienne. Le dernier jour de la conférence, la Grande-Bretagne et la France se décident et rejoignent la majorité. En soirée, on convient d'envoyer une délégation à M. Nasser, présidée par M. Menzies. C'est la fille d'un célèbre compositeur égyptien, Zaki Mourad. À 12 ans, poussée par papa, la voilà chanteuse. Leila Mourad chante Hayran Ali. Yeah. chapitre 2. La fourberie n'est pas toujours du côté que l'on croit. Le même jour, les Anglais, les Français et les Américains se rencontrent pour envisager les recours en cas d'échec de la délégation conduite par M. Menzies. On envisage dès lors de créer une opinion internationale qui soit favorable en vue d'une action militaire. Il faut pour cela court-circuiter l'Égypte auprès de l'ONU et l'empêcher de dénoncer les préparatifs militaires occidentaux en lui faisant, bien au contraire, porter toute la responsabilité de la montée des menaces de déséquilibre dans la région. Les Américains, de leur côté, ne veulent pas que la poudrière moyen-orientale explose, ceci pouvant entraîner une énorme poussée soviétique dans la région, et puis, ils ont les élections du président des États-Unis dans quelques semaines. Le 10 septembre, la délégation Menzies arrive au Caire. Elle échoue auprès de Nasser qui se sent fort de l'appui de sa population. Il ne faut donc pas s'étonner que le 11, M. Georges Picot, président d'honneur de la compagnie de Suez, signifie aux ouvriers qu'il va leur falloir envisager le pactage de retour. Tout le personnel non égyptien qui a demandé avant le 15 août son rapatriement et qui a marqué par là qu'il n'acceptait aucun contrat avec l'autorité égyptienne de fait, tout ce personnel est autorisé maintenant à cesser le travail, soit le 14, soit le 15 septembre, selon les exigences particulières du service auquel il est affecté. Une deuxième conférence va s'ouvrir dès lors à Londres le 20 septembre 1956. L'atmosphère y est lourde, le pessimisme généralisé. Georges Gors, qui faisait partie de la délégation française, décrit le témoignage suivant qui exprime bien cette ambiance. Il a fallu d'abord trouver un nom. Rien n'est plus difficile quand on est 18, de langues différentes, écouteurs aux oreilles dans une salle de conférence. Cela prit une matinée entière. L'anglais proposa le nom le plus simple, Cooperative Association Suez Users, CASU. Le portugais s'est mis à bondir, impossible, CASU en portugais ça signifie quelque chose que je ne peux pas traduire par respect pour la conférence. Trois lettres en français me souffle un de mes conseillers. Bon, cherchons autre chose. Association Cooperative Users, ACU. Le japonais proteste courtoisement, en japonais semble-t-il ça fait tout drôle. Cherchons encore, un diplomate non francophone propose alors Cooperative Association Suez Canal Users, CASCU. Alors il faut lever du doigt et expliquer qu'en français cela sonne mal, CASCU, ça fait bon, que ça serait de mauvais augure pour l'association. En fin de compte, on retient Suez Canal Users Association, SCUA, le turc se racle la gorge. Ouf, ce n'est qu'une bronchite, va pour SCUA. La seconde conférence est un échec total. La suite se déroule à l'ONU du 5 au 13 octobre. Pour la première fois au Conseil de sécurité, les ministres des Affaires étrangères siègent à la place des représentants permanents. Face à la demande franco-britannique d'une gestion internationale, le ministre égyptien affirme le droit de son pays de nationaliser une compagnie soumise à son droit interne. Les Américains, ne pouvant arrêter ni les Français ni les Britanniques, laissent tomber ces deux puissances. L'Égyptien, lui, s'en retourne au Caire. La question qui se pose alors côté français, c'est de savoir si le canal va pouvoir continuer à fonctionner normalement. On pose alors la question au personnel de retour en France. Est-ce que je peux vous demander, c'est une question difficile, est-ce que vous pouvez faire un pronostic sur le fonctionnement du canal maintenant? Ben écoutez, je préfère ne pas vous en faire parce que justement, comme c'est mon métier, si je faisais la moindre erreur en vous répondant rapidement, tous mes petits camarades me tomberaient sur le dos en disant « c'est vieil imbécile ». On se met alors à croire que la création d'une association des usagers du canal permettrait de conserver le contrôle de la voie d'eau internationale et le président Guy Mollet en précise le rôle à l'Assemblée. L'association des usagers du canal de Suez aura notamment pour attribution de mettre à la disposition des navires les pilotes nécessaires pour le bon passage du canal et de recevoir les droits de péage des bateaux qui franchiront le canal, sous réserve pour elle de verser à l'Égypte une compensation équitable pour sa contribution à l'entretien du canal et pour les facilités de transit qu'elle fournirait. Voilà, ça c'est pour la version aimable, mais officieusement, la France n'envisage pas du tout un règlement aussi sympathique. Côté français, en fait, on va passer aux choses sérieuses. Sur les murs du Caire, on affichait toujours ses photos. Mohamed Abdelwahab, la voix sublime, avec Gafnouhou, son regard, ses yeux. Gafnouhou, علم الغد جفنه علم الغد ومن العلم ما قتل فحرقنا نفوسنا في جحيم من القبل ونشدنا الحب والشباب علوم الزهر والندى علوم اللهو هاتها ها ها هاتها ها ها هاتها من يد الرضا جرعتك تبعث البنون كيف من الظما من له هذه العيون كيف يشكو من الظما من له هذه العيون لام في الهوى قل لمن لام في الهوى لام في الهوى هكذا الحسن قد أمر إن عشقنا فاعذرنا أن في وجهنا إن عشقنا فعذرنا أن في وجهنا نظر Chapitre 3 Invitation à une bagarre internationale. Le 22 octobre 1956, le président du Conseil, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense sont dans une maison sur la colline de Sèvres. Fin d'après-midi, vers 16h, arrive un groupe de dignitaires israéliens qui voyagent dans le plus strict secret. Le matin même, le président de l'État d'Israël, David Ben-Gourion, le directeur général du ministère de la Défense israélien, Shimon Peres, le général Dayan et quelques fonctionnaires ont débarqué à l'aéroport militaire de Bretigny. Leur arrivée est tellement secrète que le pilote de l'avion a refusé, sur ordre de Paris, de donner au tour de contrôle les moindres précisions sur son vol, laissant sous-entendre la présence à son bord d'importantes personnalités tunisiennes. Après avoir évoqué des souvenirs sur la résistance pour mettre de l'ambiance, Français et Israéliens en viennent au fait. Monsieur Guy Mollet demande à Monsieur Ben Gourion s'il est prêt à combattre Nasser avec les Français. Les Français croient pouvoir obtenir l'appui américain s'ils agissent avant le 5 novembre, date de l'élection présidentielle américaine. En effet, les États-Unis ne condamneront pas Israël en raison de l'imposant poids électoral que la communauté juive des États-Unis représente. Mais après cette date, les intérêts pétroliers des États-Unis prendront au contraire le pas sur toute autre considération. Peu de temps auparavant, le représentant français Bernard Cornu-Gentil déclarait « Le débat sera difficile et beaucoup dépend de l'unité d'action et de fermeté dont sauront faire preuve les Français, les Anglais et les Américains. L'affaire de Suez est grave en soi, mais il y va aussi de toute la position des Occidentaux dans le Moyen-Orient. C'est pour ça que le gouvernement français entend agir avec patience quant aux moyens, mais avec rigueur sur les buts. » Et on va voir ce qui, sous le terme de la rigueur, se cache réellement. Le plan franco-anglais prévoit que les Israéliens lancent une offensive contre les troupes égyptiennes. Les Français et les Anglais enverraient un ultimatum aux belligérants, les obligeant à se retirer à 16 km de chaque côté du canal. Si l'Égypte refuse, alors les terrains d'aviation égyptiens seront bombardés et les troupes franco-britanniques débarqueront et reprendront la zone du canal. Mais Ben Gourion refuse catégoriquement que son pays attaque en premier l'Égypte et, par le fait même, devienne l'agresseur, hors de question en fait d'être seul pendant un jour ou deux en direction du canal face aux réactions de Nasser et des autres pays arabes. À 19h, c'est la délégation anglaise qui arrive à Sèvres. Ben Gourion ne veut toujours rien entendre. Il faut attendre le 24 pour conclure un accord. La proposition d'aller à Genève pour négocier avec les Égyptiens semble une perte de temps. Ces discussions secrètes se seront tenues du 22 au 24 octobre. Chapitre 4. Planquez-vous, ça va tirer. Le 29 octobre, l'opération Kadesh débute. Les troupes israéliennes attaquent les Égyptiens postés dans le désert du Sinaï. La France ne condamne pas l'action d'Israël. Au contraire, il s'agit d'un cas de légitime défense. À New York, par contre, on condamne l'entreprise militaire israélienne. Officieusement, les Français participent au conflit dès le 28 octobre. Des pilotes français sont envoyés en Israël où on efface toute trace de leur citoyenneté française. Le 31 octobre, ils la recouvreront en raison du début officiel des opérations. Les militaires occidentaux, tels le commandant en chef des troupes britanniques, le général Keithley, commencent déjà à vanter la précision de ces attaques militaires. I believe this campaign so far has demonstrated the flexibility of air power in a completely new manner. Je crois que jusqu'ici, cette campagne militaire a démontré la souplesse de notre puissance aérienne de manière toute nouvelle. Les campagnes de l'armée de terre, comme on l'a vu dans la dernière guerre, ont montré que pour que l'armée avance, il était nécessaire d'anéantir l'ennemi en face et de causer en outre des pertes très importantes parmi la population civile, ainsi que des dégâts matériels considérables. Au cours des dernières opérations, les forces aériennes ont accompli leur mission avec une telle précision que même les pilotes des avions égyptiens n'ont pas été tués. Encore quelques années et on commencera à parler de dommages collatéraux. Le problème est que sur le terrain, on assiste à une course de tortue. Les troupes ne sont même pas encore débarquées. En plus, l'opinion internationale s'insurge contre la France et la Grande-Bretagne. Enfin, dans la nuit du 3 au 4 novembre, l'opération est mise en branle. Mais il est trop tard. Les Français et les Britanniques ne peuvent plus soutenir la pression. En fait, les Nations Unies vivent une atmosphère de crise. Le futur Premier ministre canadien, M. Lester Pearson, prend alors la parole. The armed forces of Israel Les forces d'armée d'Israël et d'Égypte devront se retirer ou, si vous voulez, revenir à la ligne d'armistice. Là, s'ils s'exécutent, ils se retrouveront vraisemblablement face à face dans la peur et la haine. Et alors, que se passera-t-il dans 6 mois? Nous faudra-t-il tout recommencer une deuxième fois et retourner au statu quo? Monsieur Persons propose alors la motion suivante, la création d'une force militaire dirigée par l'ONU. Chapitre 5. Les Russes ne sont pas contents non plus. Dans la nuit du 5 au 6 novembre, le maréchal soviétique Bulganine envoie une lettre au président du Conseil indiquant que l'URSS ne peut admettre que Suez soit une affaire franco-anglaise. Le maréchal va même jusqu'à faire allusion à d'éventuelles représailles militaires. Le gouvernement soviétique est pleinement résolu à recourir à l'emploi de la force pour écraser les agresseurs de l'Égypte et rétablir la paix au Moyen-Orient. Qui plus est, M. Bulganine entrevoit l'utilisation d'armes nucléaires. Dans quelles conditions se trouverait la France si elle était l'objet d'une agression de la part d'autres États disposant de terribles moyens de destruction moderne ? Devant cette menace, le gouvernement français veut connaître la position américaine. En vertu du pacte de l'Alliance Atlantique, les Américains aideront-ils leur allié français si l'Union soviétique décide de mettre sa menace à exécution? Les Américains refusent, sauf si la France est prête à accepter un cessez-le-feu immédiat et un retrait des troupes auquel succéderait l'établissement d'une force de police internationale. C'en est trop pour la France, de plus les Britanniques sont prêts à arrêter, la devise anglaise est dépréciée par l'attaque des investisseurs américains. Eden craque, Guy Mollet n'a pas l'intention de continuer les combats tout seul, c'est pourquoi vers 17h le 6 novembre, on annonce la proposition d'un cessez-le-feu. Cette annonce fait l'effet d'une bombe dans les milieux des Nations Unies et il faut le fair-play absolu d'un Dagmar Markschild pour ne rien en laisser paraître. Le gouvernement de Sa Majesté ordonne à ses forces armées de cesser le feu à minuit, à moins qu'elles ne soient attaquées. Reste donc face à face Israël et Égypte. Israël, qui par l'intermédiaire de son ambassadeur à Washington, s'exprime au nouveau président des États-Unis. Mr. President, on Monday, October the 29th. Monsieur le Président, le lundi 29 octobre, les forces israéliennes de défense ont pris des mesures de sécurité dans la péninsule du Sinaï, conformément au droit d'Israël à l'autodéfense. Ces opérations ont pour objet d'anéantir la base militaire à partir de laquelle les unités armées égyptiennes, sous le commandement du colonel Nasser, envahissent le territoire d'Israël en commettant des crimes, des actes de sabotage et en créant une insécurité permanente. Le 7 novembre, le secrétaire général, M. Amakshold, remet un rapport sur la constitution de la force des Nations Unies dans lequel on souligne plusieurs considérations, dont principalement le retrait des troupes franco-britanniques qui ne se ferait qu'une fois la force des Nations Unies apte à remplir ses missions. Par ailleurs, le remplacement des troupes franco-britanniques se ferait par échelon afin, comme le souligne M. Cabot Lodge, le remplaçant de Dules, qu'il n'y ait pas d'espace vide entre Israéliens et Égyptiens. La force internationale exercera ses fonctions en coopération avec la police locale. Sa tâche sera de veiller au maintien du cessez-le-feu. Nous retrouvons Dagmar Markschild. J'ai l'honneur de vous informer de la part du gouvernement israélien que celui-ci consentira à retirer immédiatement ses forces armées du territoire égyptien lorsque sera conclu au sein des Nations Unies un accord satisfaisant avec les forces d'intervention rapide des Nations Unies. Le 10 novembre, le bilan français est lourd, en témoigne ce rapport extrait des documents diplomatiques français, année 1956, volume 3. Premièrement, Nasser n'a pas été renversé, il a regagné sur nous le prestige qu'Israël lui avait fait perdre. Deuxièmement, les Russes ont consolidé leur position en Égypte. Troisièmement, la France a compromis ses relations avec les pays arabes. Quatrièmement, l'unité de vue des trois capitales est brouillée. Les Français ont affaibli leur position à l'ONU. Cinquièmement, nous n'avons pas facilité la solution des problèmes d'Afrique du Nord en général et d'Algérie en particulier. Sixièmement, nous laissons Israël dans une position dangereuse. Pour la version officielle, tournons-nous à présent vers Guy Mollet. Nasser a perdu la face. En quelques jours, en quelques heures même, sa puissance militaire s'est effondrée. Ses divisions qu'il appelait d'élite, je le souligne, en position dans la presqu'île du Sinaï, ont fondu dans une gigantesque débâcle. Son aviation s'étend. L'aviation, les tanks dont il disposait, ont été écrasés sur les terrains ou dans les dépôts. Les meilleures unités de sa flotte ont été coulées, ou même, chose rare, dans les annales de la marine internationale, capturées en haute mer et remorquées prisonnières jusqu'au port. Cette déroute égyptienne, à quoi l'attribuer? Les témoignages des prisonniers, comme de tous les observateurs, sont unanimes. Les soldats égyptiens n'étaient pas prêts à mourir pour Nasser. Quant aux officiers, ils ont été les premiers à fuir, laissant sans vergogne faire prisonniers leurs hommes abandonnés à eux-mêmes. Et septièmement, le canal de Suez est fermé pour 3 mois et les pipelines pour 6 mois au moins. À demain pour la suite de cette évocation de la crise du Golfe. Alors là, c'est la voix originale de ce titre mondialement repris. En 1957, Chuck Willis chante CC Rider. Une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui la participation de Jérôme Nussbaum, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.